Deuxième temps de notre semaine consacrée à l'histoire des sensibilités, alors que la revue d'histoire 20e siècle fête ses 30 ans avec un dossier spécial sur ce thème. Après avoir écouté hier Georges Vigarello nous parler de la naissance du sentiment de soi au XVIIIe et XIXe siècle, et avant demain de nous interroger sur le son de la Première Guerre mondiale à l'occasion d'une exposition sur ce thème qui se tient à l'Historial de Péronne, nous allons ce matin tenter de tendre l'oreille aux voix du XVIIIe siècle dans une balade sonore parisienne concoctée par Perrine Kervran et Renaud Dalmar avec l'historienne Arlette Farge. Nous allons donc évoquer les cris mais aussi les chuchotements d'un Paris dense et populaire, les piaillements des enfants et les violences des adultes. Nous allâmes aux Tuileries, elles étaient toutes plantées d'arbres fruitiers superbes. Dans le parterre, c'était des espaliers, des groseilliers, dans les bosquets, des cerisiers, dans le bois, des poiriers, des abricotiers, des pruniers, des châtaigniers. C'était la même chose dans le cours. Aux endroits ombragés étaient des framboisiers. Les plates-bandes étaient de fraisiers. Je ne vis pas un seul brin d'herbe inutile et les fruits qu'on ne vendait que bien mûrs étaient presque pour rien. Nous ne trouvâmes pas dans les rues un seul carrosse. Tout le monde allait à pied. Les voituriers qui s'apercevaient de loin se rangeaient et n'accrochaient jamais. Je fus enchanté. Que ce séjour est agréable, il est aimable. Tendre l'oreille aux voix du XVIIIe siècle. Arlette Farge a travaillé sur l'histoire des voix. Elle a tenté à partir des archives de police et de textes littéraires de retrouver la trace des parlers et façons de parler, des hiérarchies des voix, des intonations et des émotions qui les habitent. Son livre était une tentative de faire une histoire des voix, celle des enfants, des femmes, de la noblesse, des émeutes, celle des querelles domestiques, celle des enfermés ou des croyants. Alors on a choisi quelques lieux, des lieux emblématiques de cette vie parisienne du XVIIIe siècle, les bords de Seine, une église ou un immeuble d'habitation. Et nous sommes partis avec elle, à pied, à travers la ville, à la recherche de ces voies parisiennes disparues du XVIIIe siècle. C'est le tout début de l'été. Paris résonne des éclats de voix qui s'échappent des terrasses, du bruit des voitures qui longent la Seine, des sonneries des camionnettes électriques qui nettoient les rues de la capitale, du chant des martinets. C'est la rumeur de la ville. Pour commencer, on s'est arrêté au jardin des Tuileries, à côté d'un arbre, au carrefour de deux allées de gravier blanc, un peu loin du bruit de la fontaine, parmi les promeneurs. La promenade à Paris, c'est quelque chose de très très important au XVIIIe siècle et les Parisiens en sont extrêmement amateurs. Ce sont des jardins très très... très rempli, mais très rempli aussi d'une foule vraiment hétérogène. C'est-à-dire que là se promènent à la fois les aristocrates avec tout leur apparat et avec les carrosses qui peuvent entrer à l'intérieur des jardins, aux Tuileries comme au Palais Royal. Donc on a aussi de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a le monde scolaire qui vient de la Sorbonne et les étudiants. Et ce sont des lieux finalement très chahutés. En même temps, il y a une population beaucoup plus pauvre qui vient là ne serait-ce que pour voir en fait la vie des grands, les chevaux des carrosses, les chevaux galopés, et donc les sons sont très forts, les cris sont très forts, et très curieusement tous ces jardins, bah celui-là mais comme le jardin du Palais Royal et plus tard, puisqu'il sera plus tard en 1775, les Champs-Élysées seront des lieux très attendus et très aimés par la foule parisienne. Donc se côtoient finalement et la noblesse et des catégories beaucoup plus populaires. Oui, c'est ça qui est absolument étonnant parce que, ce mélange ne gêne personne. On pourrait croire que le monde aristocrate, à ce moment-là, veut s'en éloigner, mais non. De toute façon, il ne regarde pas la foule ni le peuple. Et il cavalcade, je dois dire, dans les Tuileries. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les gens du peuple, ils arrivent à approcher aussi les passants, mais les passants aristocrates, les couples qui se promènent à pied et qui sont très fiers de leurs robes, de leurs apparences. Et les gens du peuple viennent même quelquefois toucher les étoffes des jupons, des robes, des grandes, des princesses et des duchesses, sans presque d'encombre. Et même quand elles s'assoient quelque part, la population la plus pauvre s'approche tant que ce soit pas trop gênant ni important. Et donc ça, c'est quelque chose de très particulier au jardin, parce que ça se passe pas comme ça dans les rues, c'est tout à fait différent. Mais le jardin, c'est pas une aire de liberté, c'est une aire où les deux populations se rencontrent. Si on s'imagine là, à Arles Park, dans ces allées, alors peut-être est-ce que ce n'était pas encore évidemment exactement comme aujourd'hui. Là, on a ces allées de gravier blanc, ces pelouses. C'était déjà un peu comme ça. Et donc c'est un endroit où on peut, on pourrait dire, comparer, en tout cas faire, où on peut réaliser un peu cette hiérarchie des voix qu'il y a aussi au XVIIIe siècle, que vous décrivez dans votre livre, c'est-à-dire que se côtoient le parler de l'aristocratie, le parler populaire, et l'aristocratie, par la parole, tient à se démarquer du parler populaire. C'est-à-dire les voix des aristocrates sont très aiguës, en tout cas les voix des femmes tout particulièrement, alors que les voix populaires sont des voix, d'abord il y a énormément de patois, donc ce sont des voix qui ont des accents, et des accents qui se mélangent tous les uns les autres. En plus, il y a aussi cette façon de vivre et de se comporter qui fait qu'on se hèle, on crie. On s'esbaudit, comme on disait à l'époque, on rit très fort, alors que les couples aristocratiques ont une espèce de leur voix, je ne sais même pas si on les distingue vraiment. Il y a surtout une scansion des syllabes qui est totalement différente pour que les mots ne soient pas avalés, comme on dit que les mots sont avalés par les gens du peuple. Donc c'est plutôt quelque chose qui serait plus lent, sans doute, et beaucoup plus pointu aussi. Et puis bien sûr, alors ça engage la voix, des tournures bien très longues, des vouvoiements, etc. Moins de peuple qui égale le français pour la volubilité de la langue. Le parisien se distingue encore par une prononciation rapide. Il parle en général très longtemps, sans rien dire, ou plutôt en disant des riens. Écoutez une conversation de deux personnes qui se connaissent à peine. C'est une foule de compliments, puis de questions coup sur coup. Tous deux parlent à la fois, et aucun ne se pique de répondre. Au moindre marché dans une boutique, on entre en conversation sur un tas de choses étrangères à l'objet. C'est un verbiage éternel pour terminer le plus petit achat. Et la diminution de quelques sous use la poitrine des deux discoureurs. On a déjà beaucoup parlé dans une chambre, mais ce n'est pas encore assez. Il est d'usage de recommencer la conversation à la porte, sur le palier et tout le long de l'escalier. On se répond encore quelques mots jusque dans l'éloignement. Et toute cette abondance de paroles se réduit à des répétitions. Il y a tout le maintien d'abord du corps qui oblige la voix à sortir autrement, les corsets et tout l'affublement en fait de l'aristocrate oblige à la voix à être contenue de façon... C'est ça qui est intéressant, c'est aussi que le maintien du corps oblige la voix à être différente, alors que les gens du peuple, y compris les enfants bien sûr qui sont là, ont la voix beaucoup plus basse. Plus éraillé, dit-on, ça, moi je n'en suis pas tout à fait sûre, parce que je crois que c'est un jugement plutôt qu'une constatation, mais ça peut l'être s'ils sont pris de boisson, parce qu'il y a aussi le problème de l'ivresse. Justement, dans les archives, qu'est-ce que vous trouvez comme trace de ces voix populaires ? Dans les archives, ce qu'on peut trouver comme traces des voix populaires, elles sont données par les témoins. Par exemple, s'il y a un incident de rue, ou s'il y a une rixe ou une batterie, les témoins vont après, devant le commissaire, commenter les voix et leurs sons. Et surtout, s'il s'agit d'attroupements et d'émeutes, alors à ce moment-là, ce sont tout de suite les voix féminines qui sont les plus stigmatisées, parce qu'elles auraient une espèce de voix rauque et extrêmement fortes qui leur font hurler dans les cortèges émeutiers. Et cette voix-là, là aussi, c'est assez difficile parce que dans les archives, on ne peut pas entendre. Mais on devine qu'il y a à la fois un mélange de jugement sur ces voix et que si on parle comme ça de voix des émeutières, c'est qu'on veut les tirer vers le masculin ou bien qu'on veut les tirer vers ce qu'on appelle la voix de la prostituée, c'est-à-dire la voix racoleuse, la voix la plus infâme en un sens. Donc c'est vrai que dans les archives, quand on peut les rencontrer, alors à l'état pur, entre guillemets, dans les interrogatoires de police. Parce que là, on voit effectivement, on lit, mais donc on entend, une différence très grande entre le parler châtié d'un commissaire de police et la façon dont on répond, soit par bribes de mots, soit par onomatopées, soit par bruissements de gorge, qui sont d'ailleurs notés par les greffiers. Donc là, il y a peut-être plus qu'on peut avoir plus confiance dans ce témoignage d'archives que par les témoins ou les chroniqueurs, qui eux, de toute façon, dès qu'ils voient une foule ou dès qu'ils voient le peuple, pour eux, peuple égale voix de harangère, peuple égale voix plus sauvage. Voilà, quelque chose d'animal. Quelque chose instinctif, comme ils disent, épidermique, enfin ils ont tous les mots qui conviennent pour caractériser ces hordes plus sauvages. Alors on va quitter Arlette Farge, ce jardin des Tuileries où il fait très beau, il y a déjà des promeneurs, des gens qui courent, des gens qui font la sieste sur les pelouses et qui sont délogés par le gardien à vélo, prendre une allée de gravier et quitter le jardin des Tuileries. Les marches du pont Neuf s'usent visiblement par le milieu et en peu d'années, sous les pieds des innombrables passants. Elles deviennent glissantes et l'on est obligé de les renouveler. Des marchands d'oranges et de citrons ont, au milieu du pont, des boutiques qui font un goût d'œil agréable, car ce fruit est aussi sain qu'il est bon. Arlette Farge, on est arrivé donc près du pont Neuf. Et donc on a emprunté un petit escalier pour descendre vers le square du Vergalan. On est là sur un quai de la Seine, au bord de l'eau. Et au XVIIIe siècle, au bord de l'eau, il y a des gens qui travaillent, des gens qui s'agitent, qui s'interpellent. Peut-être pouvez-vous nous décrire un peu quelle serait l'ambiance sur ce quai de la Seine qui aujourd'hui est désert, pratiquement très calme, à part les voitures. Les bords de Seine, ce sont les endroits les plus bruyants de Paris pour des tas de raisons. Il y a d'abord absolument tout le ravitaillement qui arrive par bateau, par la Seine. Donc il y a énormément de ports, beaucoup plus qu'il y en a, qu'il n'en reste aujourd'hui et qui de toute façon sont abandonnés. Il y a donc un trafic très très intense et en même temps les bords de la rivière sont meubles, c'est-à-dire bien sûr ils sont sablonneux et tout le monde a accès à la rivière. En plus, au milieu de la rivière, il y a tous les bateaux, des blanchisseuses qui elles sont très bruyantes parce que soit elles chantent des chansons pour s'encourager, soit elles se disputent très souvent. Et puis les coups de battoir sont extrêmement forts, font beaucoup de bruit. Les bateaux se hêlent aussi pour accoster sur la berge. Donc c'est un bruit absolument infernal qui est amplifié en plus pendant la saison de l'automne, puisque arrivent par la Seine tous les troncs de bois qui vont en fait approvisionner Paris pour se chauffer. Il prend toute la largeur de la Seine et des ouvriers saute de tronc en tronc avec des cris très spéciaux. Certains, c'est Aya, Aya, pour se donner du courage parce qu'il y a énormément d'accidents. On peut tomber entre deux troncs et être effectivement éventré ou en tout cas fort abîmé. Donc c'est un lieu très très particulier, d'autant que les berges sont elles-mêmes, elles aussi, absolument remplies de monde. Il y a à la fois les ouvriers, bien sûr, il y a les porteurs d'eau qui viennent chercher l'eau à la Seine et qui après partent dans Paris et montent dans les étages pour vendre l'eau. Il y a aussi les prostituées qui sont très nombreuses pour l'arrivée des bateaux, bien sûr, pour les ouvriers des bateaux. Mais il y a aussi tous les chevaux qui sont amenés là par les palefreniers pour venir boire. Ce qui donne lieu à des disputes incroyables parce que normalement on ne doit boire qu'à certains endroits et en fait évidemment il y a des disputes entre eux, plus des chevaux échappés donc qui se noient, qu'on veut rattraper. Et puis il y a aussi cet événement attendrissant, je crois, que sont les coches d'eau qui sont emplies de petits enfants nouveau-nés que les parents vont confier à des nourrices qui habitent en province, qui vont les recueillir loin vers Lyon ou loin vers Lescaut, parce qu'elles ne coûtent pas cher. Et ces enfants partent donc emmaillotés dans des petits casiers de bois sur ces coches d'eau, avec simplement ce qu'on appelle le meneur d'enfants, donc qui guide le bateau, et une nourrice qui, n'ayant pas toujours assez de lait ni de provisions, a la curieuse habitude de mettre du vin dans les biberons. En plus, ce sont les voyages mortifères, les enfants souvent meurent pendant le voyage. Et il y a ces endroits, ces ports où les parents laissent leurs enfants. Le plus souvent très alarmé de ce qui va se passer. Tout ça, c'est constant, c'est jour et nuit, c'est tout est en même temps et simultané dans un désordre et un assourdissement extrêmement fort, bien qu'on pourrait croire que les berges de la Seine aèrent un peu, mais ce n'est pas vrai. Sans doute les berges de la Seine sont un des endroits les plus fascinants, je crois, de Paris, par le mélange de toutes ces populations et aussi par le nombre de noyés. Donc on a des cris de détresse, on a des cris d'enfants, on a des pleurs de parents, on a les ouvriers qui se disputent, on a les accidents, on a les noyés et les secours aux noyés. Qui ont été mis en place dans les années 1764, qui sont aussi, si on le racontait en détail, pas vraiment tristes, parce qu'on prend le noyé par les pieds et puis on essaie que l'eau s'écoule. Voilà, ça pousse aussi des cris. Donc c'est une sorte de mélange. Quand je travaillais sur les voies, ce qui m'intéressait là, sur les barges de la Seine, c'était cette espèce de fusion incroyable, d'une vitalité très forte, d'une résistance aussi pour vivre, d'une envie de vivre et d'une insoutenable en même temps violence. Et je pense que c'est des endroits qui, quand je passe après sur les bords de la Seine, me touchent beaucoup quand j'y pense. Et puis, comme on est tout près du Pont Neuf, et il y a bien sûr le Pont Neuf avec tout ce qu'il représente, alors là, comme vie, il y a des maisons sur le Pont Neuf et il y a toute une vie, il y a des marchands, des montreurs d'ours, il y a des graveurs qui vendent leurs gravures, il y a des femmes galantes, il y a des aristocrates et il y a des prostituées comme partout. Et donc ce sont des endroits très très particuliers, je crois, vraiment particuliers. Et il y a toute une catégorie de cris, d'appels qui sont beaucoup plus, on pourrait dire, beaucoup plus codifiés qu'aujourd'hui. Oui, alors ça c'est surtout ce qui se passe d'ailleurs sur les bords de la Seine et en tout cas sur les chemins de halage, parce que Paris est finalement bien plus petit que maintenant, donc dès qu'on est sur les bords de la Seine, pas très loin d'ici, on est déjà sur des chemins de halage. Et sur les chemins de halage, il y a tous ceux qui, il y a les domestiques de grandes maisons qui ont des maisons de campagne un peu plus loin, il y a aussi des maraîchers, il y a toute une population gens qui est là. Il y a donc aussi des gardiens qui protègent les maisons de campagne, etc. Et alors, il y a des façons de se croiser, parce que, bien sûr, il y a des charrettes, il y a quelques cavaliers à cheval, et puis il y a surtout beaucoup d'hommes et de femmes à pied, avec des ballots très chargés, etc. Et les modes... Alors, comment dire, les modes de façon de se croiser sont extrêmement codifiés. C'est-à-dire que si vous croisez quelqu'un qui est un peu au-dessus de vous dans la hiérarchie sociale, vous devez descendre légèrement, si la berge est en pente, bien sûr. Vous devez descendre légèrement pour qu'il garde, non pas le haut du pavé, mais le haut de la berge. En même temps, lorsqu'il y a des disputes, curieusement, ces disputes sur les chemins de halage sont elles aussi codifiées, parce que le gardien d'une maison de campagne, un aristocrate, ce sont comme les domestiques ou ceux qui ont les livrées, ce sont des personnes qui se sont identifiées à leur maître et qui donc demandent aux passants de les saluer. Et là, il y a une hiérarchie des voix aussi, déjà. C'est peut-être qu'à ces endroits-là, curieusement, qu'on pourrait dire qu'il y a une voie qui est entre les deux. Et donc, c'est effectivement... parce que sur les grandes routes, ça ne se passe pas comme ça, mais ces chemins de halage, ils sont quand même étroits. Et en plus, effectivement, il y a toujours une envie de braconner, une envie de pour ceux qui passent. Et puis on retrouve toujours, et c'est peut-être le plaisir du XVIIIe siècle, ces badinages dans les fourrés qui ne sont pas toujours... charmant d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le problème des viols qui sont très très très graves et très fréquents dans cette société du 18e. Les enfants à Paris sont fort jolis jusqu'à l'âge de 7 à 8 ans. Comme ils sont élevés au milieu d'une foule nombreuse d'individus, ils contractent de bonne heure un air d'aisance. Ils n'ont pas l'air niais. Ils ne sont ni trop étonnés des usages de la vie, ni du tracas de la ville. Un petit air d'assurance dit qu'ils sont nés dans la capitale et déjà façonnés à son grand mouvement. Ils n'ont aucun effroi de ce qui se passe autour d'eux. Mis proprement, en général, d'une manière simple et aisée, ils doivent la liberté de leur habillement aux écrits de Jean-Jacques Rousseau. Les voix d'enfants sont quelque chose une chose qui est très présente dans la ville au XVIIIe siècle, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les enfants sont dans la rue, les enfants sont sur les marchés, les enfants circulent, les enfants travaillent. Et donc, les voix d'enfants sont très présentes dans la ville. Mais je dirais que c'est plus que ça. Elles sont non seulement présentes, mais chez nous, en ce moment, enfin, les voix, ce sont les voix des enfants, c'est les sorties d'école, c'est les voix de rire, c'est des voix... Là, ce sont, j'allais dire, des voix nécessaires à la population parisienne. Pourquoi ? Parce que les fils et les filles d'artisans, à partir de l'âge de 10 ans, en fait, ils ont des rôles déjà très importants. D'abord, ils ont un premier rôle, c'est celui d'être messagers, c'est-à-dire c'est eux qui traversent la ville et qui vont chercher les nouvelles au jardin du Palais-Royal, justement, puisque c'est là où arrivent tous les chevaux de poste et où ils ont les nouvelles de la guerre, si on est en guerre, les nouvelles des prix du pain, ce qu'on appelle les mercuriales, les nouvelles en somme. Et c'est eux qui les rapportent dans leur quartier à leurs parents. Donc ils ont un très grand rôle. Bien sûr, ils jouent au palais, à toutes sortes de jeux, ils sont trublions, etc. Mais ils sont aussi absolument nécessaires, d'autant qu'ils représentent l'honneur de leur quartier. C'est-à-dire que des parents, des artisans qui auraient des enfants entre 10 et 12 ans, qui seraient déjà chapardeurs ou vraiment mal intentionnés, ça rejaillit sur la famille et ça rejaillit évidemment sur son patrimoine. Et sur un artisan qui a un enfant qui n'est pas aimé du quartier, effectivement, l'artisan manquera de clients. Et c'est extrêmement grave. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'enfants puisqu'il n'y a pas d'école. Ils vont que 2 heures, s'ils peuvent, par semaine à l'école, 1 heure au catéchisme, s'ils arrivent à grappiller un petit peu de catéchisme, si les parents y tiennent. Mais sans quoi, ils travaillent et ils sont nécessaires, en fait, au point que lorsque la police aura décidé un jour, les trouvant beaucoup trop bruyants et beaucoup trop dissipés, décidera de les enlever en 1750 et de les mettre en prison, Ce sera une émeute de 3 jours extrêmement violente, avec les cris d'enfants sortant des prisons et les parents aux portes des prisons, et qui sera extrêmement punie très sévèrement puisqu'il y aura 3 pendaisons. Je pense que ça, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que cette présence des enfants, elle est très forte. Affectivement, parce que vraiment les départs des coches d'eau pour enfants, ce sont des scènes très particulières, de même le retour lorsque l'enfant revient 2-3 ans après, si jamais il revient, ce sont des moments très attendrissants, je dirais. Et puis il y a aussi, et pourquoi ne pas le dire, l'importance économique de l'enfant pour la vie des parents, surtout à partir de l'âge de 10 ans, ce qui n'empêche pas l'affection et la tendresse. Arlette Farge, on va donc quitter ces berges de la Seine pour s'enfoncer un peu plus dans la ville et découvrir d'autres voies. Arlette Farge, on est donc remonté des berges de la Seine sur le pont Neuf qu'on a traversé. Donc on s'est enfoncé dans une petite ruelle qui donne à l'autre bout du pont Neuf. Et là, on est donc tout d'un coup au calme, comme dans un îlot de tranquillité dans la ville, dans une petite ruelle qui rappelle certains immeubles du XVIIIe siècle qui étaient très proches les uns des autres, et ces ruelles où finalement la lumière entrait peu. Alors elle rappelle effectivement, par son architecture, elle rappelle le XVIIIe siècle, mais par son silence, elle s'en éloigne beaucoup, parce que nous sommes ici dans des endroits où on voit les traces d'ateliers, les grandes portes au rez-de-chaussée, qui s'ouvre maintenant sur des appartements ou sur des petits magasins, mais qui étaient les entrées des ateliers qui en fait travaillaient dehors sur le trottoir, donc qui animaient la rue effectivement par tous les bruits d'outils et les bruits du travail. Une famille entière, puis, occupe une seule chambre où l'on voit les 4 murailles, où les grabats sont sans rideaux, où les ustensiles de cuisine roulent avec les vases de nuit. Les meubles en totalité ne valent pas 20 écus, et tous les 3 mois, les habitants changent de trou parce qu'on les chasse, faute de paiement du loyer. Ils errent ainsi et promènent leurs misérables meubles d'asile en asile. On ne voit point de souliers dans ces demeures. On n'entend le long des escaliers que le bruit des sabots. Les enfants y sont nus et couchent pêle-mêle. Les immeubles sont très bruyants parce que, en fait, les appartements ou les logements donnent les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte d'entrée. C'est-à-dire que lorsqu'on est au premier étage, on peut faire tout le premier étage, tout le long du premier étage. Ce sont plusieurs logements, mais on va de pièce en pièce sans qu'il y ait de rupture comme nous connaissons, ce qui donne une promiscuité extrêmement grande, provoque des disputes et donne une vie qui est vraiment très très particulière. D'une part parce qu'il n'y a pas de cuisine d'abord, donc de toute façon on est à peu près toute la journée à guetter les petits marchands ambulants qui passent dans la rue et qui ont tous des cris particuliers et des sonorités, des mélodies particulières pour pouvoir se faire reconnaître. Le poissonnier a un type de chant bien particulier pour que de loin on entende que c'est le poissonnier, ou bien c'est la marchande d'oubli qui sont les petits gâteaux secs très appréciés de l'époque. Et à ce moment-là, effectivement, elle va avoir une stridence différente pour se différencier. ainsi comme ça le porteur d'eau aussi qui annonce sa venue, et aussi ce qu'on appelle les regrattiers, c'est-à-dire les personnes qui vendent, qui vont dans les maisons des aristocrates recueillir les restes des plats du dîner ou du souper et qui vont les vendre après dans la rue en criant. Donc ce sont des rues extrêmement animées parce qu'il y a le bruit de tous les métiers, le savetier, la marchande de dentelle, les ouvriers du bâtiment, parce qu'on a une époque où on bâtit énormément, et donc il y a énormément d'échafaudages. Plus, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de trottoir, et que l'égout passe au milieu, et que là, les carrosses, même si les rues sont étroites, vont à une allure absolument incroyable, sans se préoccuper tellement des piétons qui sont là, qui sont obligés de se jeter contre les murs. Donc c'est vraiment une vie très particulière et en général où il y a autant, je dois dire, de promiscuité et de contraintes à cause de promiscuité, mais que de solidarité aussi. C'est-à-dire, c'est, je pense qu'il ne faut jamais présenter tout ça comme une apocalypse. Ce sont des manières de vivre et bien sûr là aussi, il faut voir que il y a un certain contrôle et il faut jamais l'oublier. Il y a le pouvoir qui règne là-dessus parce que il y a le principal locataire, un homme qui garde quand même les immeubles pour qu'il s'y passe pas trop de choses. Bon, ses principaux locataires n'ont pas vraiment de volonté très grande de vraiment tout contrôler, mais il faut voir que la ville s'organise tout au fur et à mesure du XVIIIe siècle, parce que même les étrangers n'osent pas y passer. Elle est dangereuse, elle n'est pas éclairée. Là, ici, on voit des réverbères reconstitués à l'ancienne, plus ou moins, mais en fait, la lumière n'existe pas, ou presque pas. Et puis, tout en haut, ce qu'on appelle les garnis, qui coûtent très peu cher, où sont les migrants, puisqu'il y a toute une population qui vient de la campagne, et eux arrivent et n'ont pas d'argent, ils viennent pour trouver du travail. Ils habitent en haut dans des logements garnis insalubres. Le problème, c'est de pouvoir garder une intimité, mais c'est même le mot que je dis là est faux, parce que le mot intimité n'existe pas. En fait, on vit dans la rue, on vit dans l'espace public, et il n'y a aucun moyen en fait de garder un secret, ce qui pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des problèmes de réputation, des problèmes d'honneur, les rumeurs enflent. C'est l'étonnement d'ailleurs de la police qui est jamais prête d'ailleurs à réagir, c'est la rapidité des rumeurs et les cris à ce moment-là. Il y a aussi beaucoup de disputes dans la rue, et c'est ça que vous trouvez aussi beaucoup dans les archives sur lesquelles vous travaillez, sont toutes ces disputes, alors conjugales, familiales, amoureuses, disputes aussi de sorties de cabaret, qui prennent une grande place justement dans la rue et auxquelles tout le monde participe. Oui, la violence, c'est presque une manière de vivre, j'allais dire, parce que les disputes sont très fréquentes. Il y a d'abord, les plus importantes sont les disputes sur le marché. Or, il y a énormément de marchés, marchés aux chevaux ou des marchés dans Paris. Et les disputes pour les places sont très violentes donnent lieu à des poursuites dans les rues qui sont extrêmement troublantes pour la police. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les mendiants qui sont pourchassés eux aussi, qui sont très présents à peu près partout dans toutes les ruelles et qui donnent lieu à beaucoup de grabuges le plus souvent, parce que quand les archers du guet viennent les arrêter, la population s'indigne elle-même et se révolte, et en fait elle se retourne contre les archers, refusant que les mendiants se soient enlevés, car on sait que quel sera leur sort, c'est-à-dire ils termineront à l'hôpital Bicêtre dans des conditions, ou à l'hôtel Dieu dans des conditions qui font que leur mort sera rapide. Et les conflits domestiques sont sans doute les plus impressionnants, moi, je crois, dans les archives. Et je sais que quand on avait travaillé avec Michel Foucault sur le désordre des familles, ces disputes-là, à lire dans les archives, sont particulièrement, particulièrement violentes, particulièrement dures, parce qu'il y a l'ivresse, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi la débauche, et puis il y a les mauvais traitements des maris contre les femmes, beaucoup plus fréquents, qui sont des mauvais traitements d'une brutalité, voire atrocité assez grande, et qui donne un paysage vraiment très, très violent. Et en même temps, là, il y a quelque chose qui est très curieux, c'est que dans les immeubles aussi, il y a des disputes entre femmes. Et la dispute de femmes, c'est quelque chose de très, très caractéristique. D'abord, ça s'entend par les voix, bien sûr, qui sont très particulières. Mais la police arrive. Et quand elle s'aperçoit que c'est une dispute entre femmes, elle s'en va. Elle dit « Oh, dispute de femmes ne vaut rien ». C'est-à-dire cette espèce de mépris que de toute façon, elles peuvent s'arracher les cheveux, se crever les yeux. Dispute de femmes, c'est normal. Les femmes, ça crise, ça dispute. Ça, c'est... Et c'est quelque chose qui est permanent. Donc ils reviennent au commissariat ou à leur poste de garde, et bien qu'ils se soient déplacés. Et la dispute, ce sont donc les autres femmes qui solidairement essaient de séparer les adversaires. Et c'est quelque chose de vraiment étonnant qui n'arriverait jamais entre des disputes entre hommes. L'immeuble du marché des 15-20, paroisse Saint-Roch, ressemble à tous les autres immeubles parisiens. Gonflé de boutiques, d'ateliers, traversé d'allées et de passages, empli de logements et de dortoirs sous les toits, il exhibe ses replis et ses béances, ne permet guère de refuge, mais délivre toutefois le repos et un sommeil pris sans confort, presque sans intimité. Termitière souvent humide, il héberge une population qui l'occupe du haut en bas, sans laisser de vide et en tirant parti du moindre espace. Puisque les murs ruissellent d'eau au rez-de-chaussée, la veuve Cochard sert sa morue. Des étals de boucherie ne laissent que peu de place aux compagnons et aux garçons qui, une fois le travail terminé, dorment sur des tréteaux de bois. Fenêtre ouverte. Le maître menuisier incite au travail ses deux garçons d'atelier qui rabotent en hélant les clients autant que les garçons d'en face. Au-dessus, la Simone a un petit logement. Vendeuse de viande cuite, elle achète dans la journée le regras, plat délaissé des riches, et les maintient dans de vastes terrines avant de les disposer sur son étal du marché. Étal dont elle défend avec âpreté l'emplacement, tant il est bien situé et très jalousé. Elle doit même le préserver à coups de pied ou de poing contre de petits revendeurs levés plus tôt qu'elle. Dans cet immeuble vivent beaucoup de blanchisseuses. L'odeur du linge sale se distingue mal de celle des eaux de la Seine montées chaque matin par les porteurs d'eau. Il faut bien remplir les cuves aux étages. Par deux portes entrebâillées sur le palier, s'échappent des pans de linge cherchant à sécher malgré l'humidité. En bas, dans l'allée de la boutique de la vendeuse d'herbe, des ballots de harde attendent d'être livrés dans la soirée aux clients. La buée humecte tout, rend les fenêtres opaques et les escaliers glissants. Sur le palier, les effluves de dinde rôtie croisent celles de l'eau croupie, à moins que ce ne soit celle plus âpre de la morue séchée. Partout, du bruit et des regards, entre fenêtres et portes, paliers et passages. Sur la dalle de la cour, la faiseuse de maillot du quatrième décide de finir son ouvrage, profitant d'une meilleure lumière. Les compagnons menuisiers la badinent, comme à l'accoutumée, ni jeune, ni vieille. Elle ne prête guère attention à ce bavardage. Arlette Farge, donc justement, dans La vie fragile, le livre commence justement par la description d'un immeuble où vous décrivez du rez-de-chaussée au dernier étage, les personnes qui s'y trouvent, ceux qui y habitent, ceux qui y travaillent, ceux qui y passent, et puis tous les sons, toutes les voix, tout ce qu'on y entend. Comment est-ce que vous avez eu cette idée, comme ça, de mettre en scène un immeuble pour commencer un livre d'histoire ? Oh, c'est une idée, c'est pas secret, c'est quand j'avais lu Pérec hein, que ça m'avait donné cette idée d'un immeuble à la Pérec, mais j'ai pas son talent. Mais c'est vrai que ça m'avait paru tellement correspondre à ce que je pouvais ressentir d'un immeuble du XVIIIe siècle, et en même temps ça me permettait, en commençant un livre, de camper ce que je voulais donner comme hypothèse de travail, d'interprétation sur le lien et l'articulation entre l'espace et les personnes singulières. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et donc on va quitter cette petite ruelle. Donc on est maintenant rue de Nesle, dans le 6e arrondissement, et on va aller à la rencontre d'autres sons. Arlette Farge, on a donc continué notre promenade et on est arrivé Donc au bas de la rue Mouffetard, on est juste à côté de l'église Saint-Médard, donc dans un petit square. Et il y avait, avec cette église, au XVIIIe siècle, un cimetière qui rassemblait beaucoup de croyants, puisque c'était une paroisse proche de Port-Royal, une paroisse janséniste. Et dans le cimetière a été enterré François de Paris, donc qui était un diacre janséniste, et sur sa tombe s'est développé un culte qui, pour le coup, est devenu un culte bruyant, un culte dont les voix pouvaient émerger. Ça va commencer doucement, sur des prières sur sa tombe, jusqu'à ce qu'un jour, on dise qu'il y a eu un miracle, que quelqu'un a été guéri en priant sur sa tombe. Et à partir de ce moment-là, l'église et le cimetière sont absolument envahis d'une foule qui n'est pas forcément janséniste, mais une foule de femmes et d'hommes qui sont très opposés à la royauté, très opposés à la monarchie, parce que les jansénistes étaient interdits en fait et ne recevaient pas les derniers sacrements. Donc ils sont interdits par l'Église. Donc il y a à la fois prière et révolte et grondements. Pendant son vivant, il ne se douta guère du genre de célébrité qu'il obtiendrait après sa mort. Le parti des jansénistes voulut à toute force en faire un saint, et ils allèrent en foule grimacer et convulsionner sur son tombeau. L'enthousiasme communiqué au peuple aurait eu des suites sans l'aurore de la philosophie qui dissipa ses extravagances, ridiculisa les novateurs et le thaumaturge et servit le gouvernement assez inquiet sur cette épidémie morale. Les esprits échauffés avec les noms de religion et de miracles auraient pu aller loin tant le délire devenait universel. Une princesse douairière que l'âge avait rendue aveugle acheta pour 1000 écus les vieilles culottes du diacre pour s'en frotter les yeux. Les femmes se jettent sur les tombes, et particulièrement sur celle du diacre Paris, elle ne peut pas contenir tous les corps de ces femmes, qui sont ou en sanglots ou en crise de nerfs, on dirait, enfin, en forme d'hystérie, il faut dire le mot, et qui vont dire des psaumes et des prières. On peut parler de transe presque, de voilà, transe, on disait ça. Les convulsionnaires à voilà, l'époque. Donc on les appelait les convulsionnaires. Oui, et c'est peut-être l'occasion aussi, Arlette Farge, d'évoquer justement la place que prend la voix de la religion dans la ville, c'est-à-dire les cortèges d'enterrement, le prêche, les prières, c'est aussi un son, le son de la religion qui est présent dans les rues de Paris. Alors le son de la religion est très présent d'abord par les cloches incessantes, toutes les heures, toutes les cérémonies, ça va des vêpres à toutes les cérémonies de la journée, mais il y a aussi les sonnettes des prêtres, parce que les prêtres vont, catholiques hein, bien sûr, de l'église apostolique romaine, vont porter les sacrements à pied avec donc le ciboire et l'hostie, et précédé d'un petit enfant de cœur qui a une sonnette et qui, en général, la population se signe, mais les aristocrates passent, paraît-il, indifférents face à ce spectacle. Et en plus, certaines cérémonies, certaines processions, beaucoup de processions se font, de même les processions du roi qui sont accompagnées, les Te Deum ou la naissance du dauphin sont accompagnées de processions très bruyantes, très particulières, parce que le début du cortège sait lire les prières et la fin du cortège marmonne parce qu'ils ne savent pas lire, ils ont les livrets mais ils ne peuvent pas lire, et ça donne une espèce de galimatia, je dirais, de son tout à fait particulier. On peut aussi rappeler peut-être qu'à la Sainte-Chapelle on exhibe aussi des épileptiques devant les reliques, et qu'il y a vraiment comme ça un usage aussi de la mise en scène, alors peut-être pas de la folie, mais en tout cas la mise en scène de la transe, la mise en scène de quelque chose qui peut s'approcher aussi de la possibilité d'un miracle. Le jour de l'Annonciation, c'est un spectacle dont les Parisiens vont se lasser très vite parce qu'il devient indigne. Donc la sensibilité est en train de monter quand même dans l'opinion publique. Et en effet, les épileptiques et certains aveugles sont menés dans l'église. Ils sont exposés comme on exposerait après dans les expositions universelles, la Vénus Hottentote, où des gens bizarres comme ça. Et effectivement, les épileptiques poussent des cris très particuliers. Donc, d'une part, ça va incommoder le silence de l'église et les prêtres vont finir par être assez courroucés. Mais surtout, la population, parce que des épileptiques, il y en a énormément. La population et les parents vont finalement, eux aussi, faire renoncer au clergé ce mode d'exposition. Alors justement, si on parle de cette habitude qu'avaient les Parisiens de venir justement contempler, regarder ces épileptiques, il y avait d'autres sortes de promenades à Paris, autour des hôpitaux, autour des prisons, où on venait écouter les fous, guetter les cris des hôpitaux. Et ça, c'est, vous le dites bien dans votre livre, Arlette Farge, dans votre Histoire des voix, c'est un son auquel on ne pense pas assez peut-être, qui est très présent dans la ville, les sons qui s'échappent des hôpitaux et des prisons, et des hôpitaux qui sont des lieux à l'époque où on ne soigne pas. Et il y a vraiment trois lieux qui sont des lieux d'où s'exhalent des gémissements et des cris très très particuliers qui vont même faire mal aux écrivains, aux chroniqueurs. Les trois lieux, c'est l'Hôtel-Dieu d'abord, ensuite c'est l'hôpital Bicêtre qui est réservé aux hommes et l'hôpital de la Salpêtrière qui est tout près d'ici, réservé aux femmes. Rétif de la Bretonne, qui, dans les nuits de Paris, qui raconte ça de façon très, très belle et très forte, qui passe dans la rue et qui entend mais vraiment des cris d'une telle sauvagerie, pourtant il est habitué à Paris, des cris d'une telle sauvagerie qu'il demande qu'est-ce qui se passe. Et on lui dit mais c'est une femme qui accouche. Donc il rentre dans l'Hôtel Dieu et il rentre dans la salle parce que tous ces endroits sont ouverts finalement. Donc il entre. Et il voit en effet une jeune parturiente en train d'accoucher avec trois médecins ou six mini-médecins sur son ventre et qui pousse des hurlements. Les deux endroits les plus dramatiques, j'allais dire, ou tragiques, je crois qu'on peut employer le mot, c'est sûrement la Salpêtrière et Bicêtre, puisque ce sont à la fois les femmes atteintes de maladies vénériennes. Les hystériques, donc les convulsionnaires, ont été emmenés à l'hôpital de la Salpêtrière, bien sûr, et puis aussi les folles. Celles qu'on disait les folles, je ne sais pas quelles, puis les prostituées aussi, et les mendiants. Il y a régulièrement 500 à 600 filles enfermées à l'hôpital. Elles se succèdent et se remplacent l'une l'autre, mais toujours plus effrontées, à mesure qu'elles comptent plus d'années d'hôpital. Ce lieu semble leur ôter le dernier frein de la pudeur et même de l'amour-propre. La profondeur du vice surpasse la hauteur de la vertu. Et je ne puis attribuer qu'à la communication de ces malheureuses femmes enfermées, pressées dans un même endroit, ces derniers excès trop honteux, pour que ma plume les indique et qui prouve que l'homme a la malheureuse faculté de se ravaler au-dessous de la brute. Quand ces filles ont à se plaindre de la nourriture ou de quelques mauvais traitements, alors elles forment entre elles une révolte. La conspiration vole de bouche en bouche. Or, savez-vous en quoi consiste cette révolte ? À pousser toutes, en même temps et au même signal, des cris et des hurlements épouvantables. Ces explosions de poitrine qui se manifestent par des accents aigus et prolongés se répètent à différents intervalles, dans le jour, dans la nuit et d'une manière inattendue. Quand on entend cette clameur pour la première fois, on est véritablement saisi. Ces cris se propagent à près d'une lieue. Les menaces, les châtiments n'y font rien. Cette révolte de gosier se soutient jusqu'à ce que le tort réel ou apparent soit réparé. Ces femmes sont toutes dans la même salle et la plupart sont enchaînées. Elles sont battues, elles sont extrêmement maltraitées. Et c'est vrai qu'une des promenades de la ville, c'est d'aller autour de la Salpêtrière, parce que c'est moins loin que l'hôpital Bicêtre, qui est quand même plus loin, d'où on entend ces gémissements qui, à la fois, alors c'est cette chose très contradictoire, je crois, du XVIIIe siècle, de fascination-répulsion. Et je crois, moi, personnellement, que la fascination, elle va s'éteindre petit à petit. Parce que d'abord, il y a des gens de la famille qui sont mis là. Il y a des parents qui ont demandé à ce que leur fille ou leur femme soit mise à la Salpêtrière. En plus, on aperçoit les femmes. Et alors peut-être pour finir, Arlette Farge, pendant qu'on est encore à côté de cette église, vous venez d'évoquer la question de la protestation, de l'opposition. C'est aussi quelque chose qui est présent à ce moment-là et qui est de plus en plus présent, c'est la colère. C'est-à-dire qu'on manifeste dans la rue sa colère, son opposition aux enlèvements de pauvres, on l'a dit en 1768 par exemple, aux enlèvements d'enfants en 1720, en 1750 aussi, enlevés par les archiduguets qui veulent toucher la prime, des vagabonds aussi qu'on veut envoyer au Mississippi, donc en Amérique, et puis la guerre des farines en 1775. Voilà, donc tous ces moments où finalement de plus en plus la population prend possession de l'espace public pour dire sa colère clairement. Oui, ces voix qui, vraiment, pendant tout le long du XVIIIe, ont été méprisées ou pas écoutées, ou on disait qu'effectivement, c'est des borborines de gens qui n'avaient aucune intelligence, aucune forme de pensée, qui étaient, donc, qui s'y se révoltaient, c'était totalement instinctif et ça n'avait aucune importance, sont finalement... Il y a déjà une amorce, en fait, de communautés qui peuvent, à certains lieux de Paris, montrer leur forme de position, et aussi, non seulement par la voix, mais aussi par l'écrit, par les pamphlets collés sur les murs. Que les gens lisent à voix haute. Que les gens lisent à voix haute, donc de toute façon, parce que ceux qui ne savent pas lire peuvent pas les lire. Donc il y a toutes ces gens sur des échelles qui vont lire aux autres les pamphlets qui ont été collés pendant la nuit, parce qu'on essaie de les coller le plus haut possible pour qu'ils ne soient pas arrachés. Donc effectivement, j'appellerais ça une effervescence. C'est-à-dire, je n'irais pas plus loin, c'est pas encore une véritable cohésion sociale. Elle ne peut pas exister, étant donné les conditions de vie. Enfin, elle ne peut pas encore exister. De tous nos gens de lettres, je suis peut-être le seul qui connaisse le peuple en se mêlant avec lui. Je veux le peuple. Je veux être la sentinelle du bon ordre. Je suis descendu dans les plus basses classes afin d'y voir tous les abus. Prenez garde, philosophe. L'amour de l'humanité peut vous égarer. Ce que vous appelez le mieux pourrait être le pire. Il ne faut pas que le peuple gagne trop. Il ressemble aux estomacs que trop de nourriture engorge errants paresseux. En croyant bien faire, croyez en mon expérience, vous pouvez tout perdre. Et vous, magistrat, prenez plus garde encore. Une révolution funeste se prépare. L'esprit d'insubordination s'étend, se propage. C'est dans la classe la plus basse qu'il fermente, sourdement. Je vous le dénonce publiquement. Et si vous daignez vous instruire, sans preuve pour une, vous seront administrés. Merci à Arlette Farge. Extrait du Tableau de Paris par Louis-Sébastien Mercier, Des Nuits de Paris par Étive de la Bretonne et De la vie fragile d'Arlette Farge. Texte lu par Daniel Königsberg. Mixage, Pierrick Charles. Tendre l'oreille aux voix du XVIIIe siècle, une promenade radiophonique de Perrine Kervran, réalisée par Renaud Dalmar. Comme d'habitude, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en allant sur le site franceculture.fr. Nous continuons demain notre semaine sur l'histoire des sensibilités. Nous nous demanderons comment on peut imaginer ce qu'était le son de la Première Guerre mondiale.